les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Et le château, Dieu que tout cela est laid, dit Saint-Clair, du style Louis XIV plus Viollet-le-Duc. Mais il ne s'agit pas, au Glandier, de faire du tourisme ou de l'histoire de l'art, il s'agit, pour Rouletabille, de tenter de comprendre et donc de percer le mystère de la chambre jaune. Il y a un os de mouton. L'assassin était dans la chambre jaune. Mais il n'y a pas de trou, pas de trappe, pas de porte cachée, pas de fenêtre dissimulée. On ne sait rien, on ne comprend rien, et on ne saura jamais rien, a prévenu le père Jacques. Eh bien, entrons dans la chambre jaune, peut-être commencerons-nous à envisager la vérité. Pas sûr, il est beaucoup trop tôt. Voici les 5e et 6e épisodes du Mystère de la chambre jaune, diffusés pour la première fois sur France Culture, les 5 et 8 août 1983. Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Joseph. Hein? Oui, Saint-Clair. Je pense qu'il est préférable de vous laisser entrer seul dans la chambre jaune. Oui, je vous remercie. Faites attention, Rouletabille, il fait très sombre. Voulez-vous que j'aille pousser les volets? Il n'y a qu'un mot à dire. Non, une seconde. Le drame s'est déroulé dans l'obscurité, non? Ah, oh, ben, pour sûr que non. Notre demoiselle Mathilde tenait beaucoup à avoir sa veilleuse sur la table de nuit. Et c'est moi qui m'en occupais. J'étais, comme qui dirait, sa femme de chambre, quand venait le soir. Et alors, la véritable femme de chambre? Ah, ben, on la voyait pas souvent. Elle ne venait guère que le matin, vu que mademoiselle Mathilde travaillait assez tard dans la nuit. Ah, la table de nuit était près du lit? Oh non, elle était même assez loin. Dites-moi, vous pourriez allumer la veilleuse, père Jacques? Maintenant, sûrement pas. Mais pourquoi donc? Eh bien, parce qu'elle est cassée. Elle est en miettes, la veilleuse. Ah. Et puis toute l'huile s'est répandue, voilà, c'est un beau cachet. Vous voulez vraiment pas que j'ouvre les volets? Vous verriez mieux. Non, attendez. Attendez encore un instant.

Thank you.